Sèvres parle à ma place. Libo qu'on a eu au bête à l'icône, mon frère. Au bête à mon robot pour ma paix. Ma paix à l'icône, mon robot pour ma paix. Les autres candoles. Papa Calé Candole. Maman Eugénie Kassai. Félix Bongol. Didi Kinouani, mon somme et mon néné à ma banga. Michel Ladilouya. Laetitia la femme. Ma marie j'ai va comme l'ouko, bimé la maïque. Comme un atikali, la moko. Attends, la piscine, la monnaie d'un soco. Quand je vais me lever la coco, no kaka. On a ça, c'est la yon kando. Sous ces simeli, ma fille, moi, un zoubé. Les alouka, quand on la fait, on la fait, on la fait, on la fait, on la fait, on la fait, Christelle Candole. Arc-en-ciel est quand on a cassé ma yamboula. Arc-en-ciel est coquille jamais. Quand on a payé mes sauvelines, azolelelae. Souffrance est le qui m'a cassé. Et que quoi ça finit dans l'alito ya zaboro. Akole la nègre sa ma fille malaye. Molongani va que la yo posala. Molongani la ma ya vie. Pour poso luka po boyanga. Jike Mampouya. Moïse a promis ça que porte mon lugar à téléphone à Zambé. Maréchal Tito, Magalis ici, Arsène Kamango, Yves Kamban. Nanya Pesanga Babeki, la Pesa chérie n'a pas tabou sa bolingo, et sa tabou la tembou. Ata ma melissima, on sait, et un poto poto, n'a pas y'a mon élite. Mais au pando, Tresonga la vina kayo sa bolingo n'a pas y'a. Tresonga la vina kayo sa libombo n'a pas y'a. Tresonga la vina kayo na tamwa si sete. Soma na binga kayo sa buti chocolat. Na bibala na yaya longa inko na yo treso. Yves Abdala. Na nyape sanga babeki. Na besa cheli na katabu sa bolingo. Ezo tambo na tembu. Ata wa meli singa ose. Aya poto poto na koya monenete. Ezo kando. De Blaison Wanga. Na nyape sanga babeki. Na besa cheli na katabu sa bolingo. Ezo tambo na tembu. Ataba para balo pina lo viva bomena ngai mutoi. Ataba mata balo pina lo viva bomena ngai mutoi. Ataki ngani alo pina lo viva bomena ngai mutoi. Yolan shadie na lo viva bomena ngai muto. Bebe kikoma na lo viva bomena ngai muto. Edo musamba na lo viva bomena ngai muto. Kimalubanga. Raflo kuna pro. Na nya pesanga babeki. Mon âme a tellement tout dit, mais je n'arrive à point. Colonel Kaskasso. Trop de rêves pour voir Diana. Mais voilà aujourd'hui je me rends compte que je t'aime. Et n'avec l'homme il est dessous. Pour toi Christelle Pirance. Oh, Colonel Vincent Tambo. Yaka Nanoué Papi Dimbata. Yaka Tobina la rumba chante chair de poule. Yako les sanga fruru yako tela na bolingo. Keba keba baba papi mela ima baba na monoko. Si aucun jour mon oconaye boya bile, d'espérance dans la vie, Thierry Cola. Quel que soit dira de la nuit, le soleil. paraîtra. Souci, souci, na monte manangai, oh trésor candole, yo monte manangai, ngai chiki na sala nini, pona kuta souffrance, costa moulenda, kuta bomengo, et sa mystère en zambé, zombo, faustino, papi mouyo yoka, tocha, plus, pas moins, naye, ya Jacques Mbembe. Valé ya tete na bambou malaye, ou ya nga ya zambo yo, na nga yo, je te dis yaste, apela mouda va te pe yaste, kaka na papa, si ya moutou na na soumaye, amoure dele, na santi la beze, na santi karosto matale, achili ma mère becha popo, tout le temps na zap na monite, na nou mon jinga, yebi sa bambo, koukoumbo kono sa la moni mongo, yo kono bali gite, Mokon zi André Kimbuta, les premiers citoyens de la ville. Le boss chez Temba Kayembe, DJ Frank, Boniba Sango Itani, Dubu RTNC, Hyper Chobo, Rally Ikina, journaliste,